Personne m'a tendu la main. On était cette bande de voleurs. Du sale pour notre bonheur. Des aides remplies de valeur. Personne ressent ma douleur. Tu me vois sourire, mais je fais semblant. Plus le temps de courir après les sentiments. Faut me nourrir, j'étais assis sur un banc. Tu grandis, t'es tout seul, où est passé ta bande. Tu vas se perdre de famille, te casser le dos. Pour des enfants qui vont l'oublier. C'est triste à dire, mais c'est la vie. Pleine de surprises, pas le temps pour les regrets. Et tout ça, maman me disait. La part du gain fait récidiver. C'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait. Pas ce qu'on voulait, non. Pas ce qu'on voulait, non. Pas le temps pour les rêves. Pas ce qu'on voulait. Qu'est-ce tu veux faire sans le réel? J'ai dans mon futur garçon, ma future fille qui m'enterre au bled. Mes grands frères sont partis, à mort un rappel. Profitez de vos proches, tant qu'ils sont sur cette terre. Car ça va vite ici bas, en moi plein de choses que je ne dis pas. On en finit par dealer, le produit du rive des Pays-Bas. On a tout vu, viens pas nous impressionner. Tu repars sans tes affaires. On est sympa mais viens pas nous déranger. On s'est un peu rangé, mais on sait toujours tout faire, yeah. Et tout ça maman me disait. La part du gain fait récidiver. C'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on voulait. Pas ce qu'on voulait, non. Pas le temps pour les regrets.